Ok les gars, ok, soyez prêts. Premier album solo, Monsieur Bill, j'encule le monde. Ha, c'est pas des blagues les man, c'est pas des blagues. Putain, j'encule le monde, t'entends pas ou quoi? J'encule le monde, Monsieur Bill. Ah, DJ Twister Platine, j'encule le monde. Incendie, c'est tranquille, j'encule le monde tellement violent. Votre monde, je l'emmène, mon argent fait le bonheur. J'en ai parlé à Bill Gates, j'ai Bill Boom. J'étais dans ma marécage, j'dors pas beaucoup. Incendie, c'est tranquille, j'encule le monde tellement violent. Mon argent fait le bonheur, j'en ai parlé à Bill Gates. J'ai Bill Boom, j'étais dans ma marécage. Y'en a qui sort des couteaux, y'en a qui sort des mixtapes. Si tu connais pas, viens, j'emmène dans le zoo. Ça va du parc au parking, plus du rail au parking. J'encule le monde tellement violent. Dans mon crâne, c'est le bordel. Mon monde c'est pas le tien, ici c'est compète et arnaque. 0-5 les martiens, allumez le satellite. Marécage street, ma planète. Plus pas de news tombe, comme des feuilles mortes dans l'air. La street dans mon texte, 2, ma famille dans le cœur. 3, j'encule le monde en lien. Pour oublier certains trucs, ça roule des grammes de verre. Dans ma tête c'est le Vietnam, mais je reste tranquille. Les petits te parlent mal, comme s'ils avaient pas de peur. Moi je fais pas de politique, bon, reste positif. En fait, ça part du look à la twist et finit dans toute la ville. J'dors pas beaucoup, ma santé c'est tranquille. J'encule le monde tellement violent. Votre monde je l'emmène, mon argent fait le bonheur. J'en ai parlé à Bill Gates. J'ai Bill Boom, j'étais dans ma marécage. J'dors pas beaucoup, ma santé c'est tranquille. J'encule le monde tellement violent. Votre monde je l'emmène, mon argent fait le bonheur. J'en ai parlé à Bill Gates. J'ai Bill Boom, j'étais dans ma marécage.